accès à la culture n'est toujours pas dans notre culture. Je n'en fais pas une sinécure, mais je trouve ça un peu dur de se faire emprisonner pour avoir partagé des films surtaxés dans vos salles de ciné, messieurs. C'est vrai que pirater, c'est outrepasser les lois et les décrets auxquels nous devons soumission. Mais s'il est de bon ton pour acheter un DVD, hypothéquer sa maison sur 5 générations, je crois que je ne fais plus partie de cette patrie. Oh, partie de cette patrie. Combien sont partis de cette patrie? Relaxez, relaxez. Relaxez. Les handicapés. Relaxez, relaxez. Relaxez, relaxez. Relaxez. Les handicapés. Relaxez, relaxez. L'accès à la culture n'est pas donné. Mais tout est à monnayer. L'accès. Relaxer. Sans handicapé. Relaxer. Aucun accès, tu n'as pas de monnaie. Mais tout est à monnayer. Et conflits politiques, de langage d'apparat, de tournure syntaxique. Voilà que l'État présente un dogme fantastique, un plan à droit pour sortir de l'impasse médiatique. Mes chers compatriotes, voici la solution. L'État aujourd'hui se dote pour booster la consommation. Dès demain, sans faute, nous envisageons un prêt à la culture sur 38 générations. Bien entendu, c'est un projet à échelon qui permettra aisément d'acquérir une chanson après 15 petites années de cotisation. N'est-ce pas la prise de la Bastille que nous attendions? Relaxez, l'accès. Relaxez. Sans handicapé. Relaxez, l'accès. Relaxez, relaxez. Relaxez. Sans handicapé. Relaxez, relaxez. Relaxez, relaxez. Sans handicapé. Relaxez, car l'accès à la culture n'est pas donné. Oui, tout est à monnayer. Relaxez, relaxez. Relaxez. Sans handicapé. Relaxez, aucun accès, tu n'as pas de monnaie. Oui, tout est à monnayer. Why not now?